Bonsoir Mélissa, nous sommes ici à l'Essentiel. Ce soir, nous sommes aux portes de Paris. Il est déjà tard et vous sortez d'une consultation avec Véronique Saint-Gilles, c'est ça ? C'est ça, exactement. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes venue ? Voilà, on vous a contacté, on vous a envoyé un mail ou comment c'est ça, ça s'est passé ? J'ai reçu le mail et ça m'a grandement intéressée parce que j'aime bien avoir aussi, j'avais envie de rencontrer pour la première fois. Que je ne fais que le téléphone, du coup, j'avais jamais vu de voyant avant. Et en plus, Véronique, c'est une personne que j'aime beaucoup. Toutes ses consultations sont très fluides. Il y a quelque chose qui se passe, on sent son énergie à travers sa voix. J'avais aussi envie de mettre une image sur sa voix. C'est super. Donc voilà, c'est quelqu'un que vous consultiez auparavant déjà par téléphone. Et là, bah, vous êtes dit, oui, voilà, de rencontrer en chair et en os. Et est-ce qu'on peut connaître au moins le thème peut-être de votre question ? Ah là là, bah, grand classique, hein, les amours. Ah, les amours, d'accord. Et mes vies karmiques, parce que bon, d'accord. C'est une des spécialités, hein, c'est ça, oui. Véronique, les vies karmiques. D'accord. Est-ce que ça vous a parlé, ce qu'elle vous a dit, sans rentrer dans les détails Pas mal de choses. Par exemple, j'ai toujours aimé l'Antiquité. Elle m'a dit que effectivement, ça avait été une grande période dans les vies antérieures. D'accord. Donc, très intéressant, ça résonne en vous. Ouais. Et parfait. Et du coup, petite question, est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un de consulter Véronique et pourquoi vous la recommanderiez ? Alors, je la recommanderais parce que c'est fluide avec elle. On sent qu'elle est vraiment connectée. En plus, c'est pas tous les voyants qui arrivent à voir les vies karmiques, et c'est très intéressant de savoir aussi sur quoi on peut travailler dans cette vie-là. Et puis, elle est très gentille et bienveillante, et sans complaisance aussi. Elle dit vraiment ce qu'elle voit. Donc, ouais, je la recommanderais. Parfait. Voilà, la bienveillance, c'était au cœur de cette soirée. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce que vous organisez. Voilà. Et bien, on organisera très bientôt un prochain événement. Merci encore. À très bientôt. À bientôt.